السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous continuons cette série intitulée « Les étapes de l'au-delà ». Nous avons hier parlé du rassemblement et nous avons entamé la description des effrois du jour du jugement et notamment ce qu'il adviendra des créatures immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la terre et ce qu'elle contient comme montagne, comme océan, le ciel et ce qu'il contient comme soleil, lune, étoiles et différents astres. Nous avons vu hier que la terre sera pulvérisée et les montagnes seront réduites en poussière. Quant aux océans, ils seront mélangés les uns dans les autres, puis s'enflammeront. Ces mers et ces océans, dans lesquels vivent de nombreuses créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces océans et ces mers qui recouvrent une grande partie de notre planète, se mélangeront les uns dans les autres, puis seront portés à ébullition, s'enflammeront par la suite, et tout eau disparaîtra. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ » Et quand les mers confondront leurs eaux, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que ces océans et ces mers se mélangent les unes aux autres. Puis Allah azza wa jal a dit dans surat al-Tur, « Wal bahri al-masjur » et par la mer portée à ébullition. Et Allah azza wa jal dit dans surat al-Takwir, « Les mers allumées ». Ainsi, les mers et les océans seront d'abord mélangés les uns aux autres jusqu'à devenir gigantesques. Puis, ils seront portés à ébullition. Puis, ils s'enflammeront et toute eau disparaîtra. Quant au ciel, il tourbillonnera, puis sera rompu et se déchirera. Ce ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé sans piliers apparents, un ciel qui est un des signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel l'être humain est amené à méditer, ou sur lequel l'être humain est amené à méditer. Ce ciel, le jour du jugement, sera agité par un tourbillonnement et sera totalement déstabilisé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا » Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. Puis ce ciel se fissurera, se déchirera, comme le dit subhanahu wa ta'ala, إذا السماء انفطرت. Et comme il le dit Azza wa Jal, إذا السماء انشقت, quand le ciel se déchirera. Après cette déchirure, le ciel sera alors comme des portes ouvertes. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Naba, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le ciel sera ouvert et présentera des portes. Ce ciel, le jour du jugement, lorsqu'il se fendra et lorsqu'il se déchirera, sera affaibli. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Ce ciel également changera de couleur et virera au rouge. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Puis Allah subhanahu wa ta'ala pliera le ciel et saisira la terre. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Anbiya, Surat les prophètes, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Allah subhanahu wa ta'ala pliera donc ce ciel comme l'on plie les feuilles d'un livre. Allah subhanahu wa ta'ala pliera ce ciel de sa main droite subhanahu wa ta'ala. Et saisira la terre par sa main, subhanahu wa ta'ala. Et quant aux noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous les attestons comme ils ont été rapportés, sans demander le comment, et sans faire ressembler cela aux créatures d'Allah, azza wa jal. Ainsi Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'attribue l'attribut de la main, c'est une main qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala, qui ne ressemble aucunement aux mains de ses créatures. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui voit tout et qui entend tout. Ainsi nous attestons qu'Allah Azza wa Jal a une main comme il se l'est attesté lui-même, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a attesté lui-même, Azza wa Jal, et comme le lui a attesté son prophète, alayhi salatu wassalam, sans rentrer dans le comment et sans interpréter en disant que la main d'Allah signifie en réalité sa force et sa puissance. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, Il est au-dessus de ce qui lui associe. Et dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, il dit alayhi salatu wassalam, يَقْبِضُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطَوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ. Il dit alayhi salatu wassalam, Allah saisira la terre le jour du jugement et il pliera les cieux et il pliera le ciel de sa main droite. Puis il dira, je suis le roi, où sont les rois de la terre? Et dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, il dit alayhi salatu wassalam, يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Il dit alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal pliera les cieux le jour du jugement, puis les prendra par sa main droite et il dira, je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis Allah subhanahu wa ta'ala pliera les terres par sa main gauche. Puis il dira, je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Ce jour-là, le soleil s'assombrira, la lune s'éclipsera et les étoiles se disperseront et disparaîtront par la suite. Ce soleil dont nous ne pouvons vivre sans sa lumière et sans la chaleur qu'il nous apporte, sera réuni le jour du jugement et sa lumière disparaîtra, il s'assombrira. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, quand le soleil sera obscurci, il deviendra noir, il s'éteindra, il n'émanera de lui ni lumière ni chaleur. Quant à la lune, elle s'éclipsera, sa lumière disparaîtra également et elle s'assombrira. Il dit subhanahu, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera. Quant à ces étoiles qui se comptent par milliards, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a entre autres embelli ce ciel, ces étoiles que nous voyons et qui nous donnent l'impression qu'elles sont liées les unes aux autres, elles se disperseront, leur lumière disparaîtra, puis s'effaceront. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, et quand les étoiles se disperseront, et il dit Azza wa Jal, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, et quand les étoiles deviendront ternes, et il dit subhanahu, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, et quand les étoiles seront effacées. Voici, chers frères et sœurs, ce qu'adviendra tous ces astres et toutes ces créatures terrestres qui forcent notre respect de notre vivant par leur beauté, par leur immensité. Nous devons donc réfléchir à la gravité de la situation que nous connaîtrons le jour du jugement. Lorsque nous verrons ces astres d'une grandeur immense qui seront détruits, qui s'éteindront, et tout sera bouleversé ce jour-là. L'être humain, face à de tels bouleversements qui impacteront la terre, et les astres ne pourra être que terrifié, terrorisé, et il dira alors, comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que la lune et le soleil seront réunis, l'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Puis la réponse lui parviendra lorsqu'Allah Azzawajal a dit « Kalla la wazar » « Non, point de refuge ». Il n'y aura aucun endroit vers lequel fuir. Il n'y aura aucun moyen pour éviter ces tourments du jour dernier. Puis Allah Azza wa Jalla dit « Ila rabbika yawma'idhin il-mustaqar yunabba'u l'insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar » Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Voici l'état de ses créations le jour du jugement. Quant à l'état des gens, dans cette terre du rassemblement le jour dernier, il faut différencier entre ceux qui ont cru en Allah Azzawajal et ceux qui n'ont pas cru en lui. Quant à ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoqueront contre eux et demanderont que le malheur les touche. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous ! Qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» Ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là connaîtront humiliation. Ils connaîtront remords et regrets. Quant à leur humiliation, Allah subhanahu wa ta'ala a dit والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera son équivalent. Un avilissement les couvrera, une humiliation les couvrera, pas de protection pour eux contre Allah. Comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et quant à leurs remords et à leurs regrets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez, avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi ceux qui se moquaient. » Ou qu'elle dit, c'est-à-dire cette âme, « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ou bien qu'elle dit, c'est-à-dire cette âme, « En voyant le châtiment d'Allah, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Et la réponse lui viendra, « Oh que si, mes signes te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi ceux qui n'ont pas cru. » Ils seront rabaissés, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء مع الكافرين. Puis le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira « Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ?» Ceux qui ont le savoir diront « L'ignominie » et le malheur, le rabaissement et le malheur tombent aujourd'hui sur ceux qui n'ont pas cru. Ce jour-là, ils seront humiliés et seront pris de regrets et de remords à tel point qu'ils espéreront être de la poussière. Il dit Azza wa Jal, Inna anzarnakum azaban qariba, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Nous vous avons certes averti d'un châtiment bien proche. Le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et celui qui n'a pas cru en Allah dira « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Ils seront pris de remords au point qu'ils espéreront voir ceux qui les ont égarés afin de les piétiner. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Et ceux qui n'ont pas cru diront: Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. Les effrois du jour dernier, pour ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, seront terribles. Ils seront terribles au point que ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala espéreront sacrifier leurs enfants, leurs épouses, leurs frères, leurs tribus, leur entourage proche, afin qu'ils soient épargnés. Ils espéreront même donner tout ce qu'il y a sur terre afin d'être épargnés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ceci sera bien sûr impossible. Allah Azza wa Jal dit: Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idhin bibanih وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Et bien qu'ils se voient les uns les autres, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur terre, tout ce qui pourrait le sauver. Leurs visages seront assombris. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Dans le verset que nous avons vu précédemment, le verset 27 de Sourate Yunus, où Allah Azza wa Jal a dit dans le sens: un avilissement les couvrira, pas de protection pour eux contre Allah, comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Leurs visages seront alors assombris. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans l'autre verset de Sourate Al-Qiyamah: وجوه يومئذ باسرة. Et il y aura ce jour-là des visages assombris. Et dans Surat Abbas, Allah Azza wa Jalla dit: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres, voilà ceux qui n'ont pas cru et les malfaiteurs. Et lorsque le soleil se rapprochera des créatures, d'une distance d'un mille, comme nous l'avons vu hier, les gens transpireront et leur transpiration sera proportionnelle à ce qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. Certains seront recouverts par leur transpiration qui arrivera jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur taille, et d'autres seront submergés par leur transpiration. Comme cela est rapporté dans le hadith de Al-Miqdad ibn al-Aswad, dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahullah. Ce jour-là, les actes qu'auront accomplis ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala seront vains. Les actes qu'ils auront accomplis comme aumône, comme don, comme le fait de nouer les liens de parenté et autres, tout ceci ne leur sera d'aucune utilité le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla a dit: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Quant à ceux qui n'ont pas cru, leurs actions seront comme un mirage dans une plaine désertique. Que l'assoiffé prend pour de l'eau, puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah, qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à juger. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal va réduire ces actes qu'ils ont accomplis, malgré le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Il va réduire tout ceci en poussière éparpillée. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'ils pensent faire du bien, mais en réalité, ce qu'ils accomplissent ne leur sera d'aucune utilité car ils n'ont pas cru en Allah, Azza wa Jal. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dis, c'est-à-dire dis au Mohammed, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien? Ceux-là ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Ils seront humiliés le jour du jugement, le jour du jugement, et ils seront maudits devant l'ensemble des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et les témoins diront, c'est-à-dire les anges, Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Ceux qui n'ont pas cru en Allah Azzawajal le jour du jugement dans cette terre du rassemblement, ils se disputeront les uns les autres. Ils se disputeront de différentes façons et de différentes manières. Les suiveurs se disputeront avec leurs dirigeants et avec leurs chefs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous a cité un certain nombre de ces dialogues qu'il y aura entre ceux qui n'ont pas cru en lui, Azza wa Jal, le jour du jugement. Il dit subhanahu wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. Dans les versets 27 à 32 de sourate Saffat, il dit subhanahu wa ta'ala, en nous décrivant la dispute de ceux qui n'ont pas cru en lui, subhanahu wa ta'ala, entre les suiveurs et leurs dirigeants. Les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront, c'est-à-dire les suiveurs. Ils s'adresseront à leurs dirigeants et diront, c'est vous qui nous forciez, c'est-à-dire à ne pas croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis les dirigeants leur apporteront cinq réponses dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite. La première réponse, c'est plutôt vous. Les chefs répondront, c'est plutôt vous qui ne vouliez pas croire. La deuxième réponse, et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. La troisième réponse, c'est vous qui étiez des transgresseurs. La quatrième réponse, la parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Et la cinquième réponse, nous vous avons induit en erreur car en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal dit également, dans sourate Al-Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bel et bien brisés. Et lorsque les suiveurs verront le châtiment, ils seront repris de remords et espéreront et espéreraient ne pas avoir suivi leurs dirigeants. Allah Azza wa Jalla a dit: وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Et les suiveurs diront, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués, c'est-à-dire comme ces dirigeants nous ont désavoués le jour du jugement. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Il dit Azza wa Jal dans sourate Ghafir: وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles, c'est-à-dire les suiveurs, diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, à savoir leurs dirigeants et leurs chefs, « Nous vous avions suivis. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu ?» Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront « En vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre ses serviteurs. » Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru en Allah Azzawajal se disputeront avec leurs propres organes. Écoutez ces versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fussilat, les versets 19 et 21. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera vers sa direction. Alors, quand ils y seront, leurs oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Leur peau répondra, « C'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est vers lui que vous serez retournés. » Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala auront une immense aversion envers leur propre personne. Ils se détesteront eux-mêmes. Allah Azza wa Jalla a dit « Inna alladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila l'imani fatakfuroun » À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même. Lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans le fait de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détesteront ceux qui les auront égarés dans cette vie d'ici-bas et invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il multiplie leur châtiment. Il dit Azza wa Jal, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. » Et ils dirent « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. » Ils cesseront et ne cesseront pas de dire ces paroles.